Troisième fragment de la cour Barnave, B3. En deux séquences, on entendra les pas, les passages, les échos d'actions sonores dont la cour est le résonateur. This is a...